Fatal Click, FATCAP. Ouais. 1. Écoute ça. J'ai peur de la mort, ouais. Peur de l'amour, ouais. Peur qu'un jour, ça soit fini pour toujours. Un fanatique armé dans le public, un destin et une fin tragique. Ma dernière scène, mon corps à terre étant du saigne. Si j'avais su, j'aurais passé plus de temps auprès de mes parents, ouais. Tous ceux que j'aime, je voudrais leur dire encore une fois un par un, les serrer dans mes bras, ouais. Mais cette fois c'est trop tard, je pense à toutes nos histoires qu'on aurait pu éviter, mais tu connais notre fierté, pas vrai. Non, je m'en fous, tu sais, je me rends compte que la vie n'a pas de prix. Enfin j'ai compris, ouais. J'aurais dû kiffer chaque moment au lieu de chercher pour quoi et comment. Aujourd'hui c'était mon tour. J'ai mon peur de la mort, jour. Peur de l'amour, peur de perdre les miens pour toujours. Les pieds devant sans qu'on m'entoure. J'ai peur de la mort, peur de l'amour, peur de perdre les miens pour toujours. Parfois la vie ça joue des tours. J'ai peur de la mort, peur de l'amour, peur de perdre les miens pour toujours. Les pieds devant sans qu'on m'entoure. J'ai peur de la mort, peur de l'amour, peur de perdre les miens pour toujours. Parfois la vie ça joue des tours. Écoute, noir c'est noir, y'a plus d'espoir. Mon frère au revoir, adieu, adieu. J'ai senti dans tes yeux, dans ton regard, regard. Qu'on allait plus revoir, comment concevoir ta mort, comment y croire. On avait tellement de choses à se dire, tellement de choses à, tellement de choses à voir. Comment savoir le dire à tes proches, pourquoi lui, pourquoi pas moi. Trop de reproches, la peine m'écorche, mais la vie continue et je m'y accroche. Chaque jour je m'efforce de vivre, même si la force me manque, même si le ciel se couvre et que le monde est terne, même si la terre s'ouvre et que les portes se ferment. Quelque part, il faut bien croire en l'espoir, même si quelqu'un part. Car la mort est un drame dont tu connais la trame. Certains rament pour le smic, d'autres crânent, mais à la fin qui crame. J'ai plus peur de la mort, mais j'ai peur de l'amour. J'ai peur de la mort, peur de l'amour, peur de perdre les miens pour toujours. Les pieds devant sans qu'on m'entoure. J'ai peur de la mort, peur de l'amour, peur de perdre les miens pour toujours. Parfois la vie ça joue des tours. J'ai peur de la mort, peur de l'amour, peur de perdre les miens pour toujours. Les pieds devant sans qu'on m'entoure. J'ai peur de la mort, peur de l'amour, peur de perdre les miens pour toujours. Parfois la vie ça joue des tours. Dans mes fouilles, pas de radis, rien à foutre sur terre. On ira tous au paradis, mon cul. Pourquoi se taire? On s'accroche à l'amour, vu que la mort est proche. Vas-y, range ton arme avant que tu prennes la perpète. La mort nous guette, on se tue pour des histoires de pépettes. La mort nous guette, on se tue pour des histoires de quéquettes. C'est les mêmes embrouilles, c'est les mêmes andouilles qui font parler les douilles. Si tu causes la mort, un jour t'auras des remords. Mais n'oublie pas l'enfer, je suis juste un homme et je sais plus comment faire. La vie c'est pas un film, tiens-toi à carreau. Si tu veux pas finir infirme ou derrière les barreaux. J'ai peur de la mort, peur de l'amour, peur de perdre les miens pour toujours. Les pieds devant sans qu'on m'entoure. J'ai peur de la mort, peur de l'amour, peur de perdre les miens pour toujours. Parfois la vie ça joue des tours. J'ai peur de la mort, peur de l'amour, peur de perdre les miens pour toujours. Les pieds devant sans qu'on m'entoure. J'ai peur de la mort, peur de l'amour, peur de perdre les miens pour toujours. Parfois la vie ça joue des tours. Ouais ouais, parfois la vie ça joue des tours. Joue à des nos tours. Familles, nos proches, nos proches, tous ceux qui partent trop tôt. C'est pour eux qu'on dédicace ce morceau. Ouais. SHN, repose en paix. Fatal Click, FATCAP, s'il te plaît. Maintenant tu sais.